donc un peu les filles. Allez, ouais. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur l'émission Johnny de A à Z, ici sur le thème de RIG 90.7 de la bande FM, rigfm.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Johnny de A à Z, la 502e, et aujourd'hui, on va intituler cette émission Johnny itinéraire d'une légende. Et avec moi, j'ai un invité d'honneur, mais c'est un habitué de la radio, vous le connaissez tous, c'est Jean-François Chenu. Bonsoir Jean-François. Salut Eric. Comment vas-tu? Écoute, tout va très bien, beaucoup d'activités, beaucoup d'actualités, pas mal de rendez-vous à venir là, pour la promotion du bouquin dont on va parler. Mm-hmm. Et puis j'ai pas mal travaillé sur les projets qui sont sortis très récemment. Enfin, il y en a un qui sort la semaine prochaine et puis il y en a un qui est sorti le vendredi dernier, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Oh oui. Ça m'a beaucoup occupé aussi, en dehors de toutes les autres activités. Donc voilà, ma vie est bien remplie, mais tout va bien. On va parler de plein de choses qui vont sortir, qui sont sorties, qui vont sortir prochainement, et aussi, voilà, donner des idées de cadeaux pour Noël, par exemple. Hein, on va sélectionner tout ça. Dis-moi, alors ce soir, on est là. Hop, je tends la main. On va parler de ton livre que tu as écrit avec Bernard Fossé et Thibaut Chefrotin. C'est l'album Tout Johnny. Oui, un livre écrit à trois, oui. C'est. On va dire en gros, hein, c'est toute la discographie de Johnny. Alors ce qu'on a essayé de faire, effectivement, c'est de présenter dans un livre toute la discographie de Johnny, française et internationale. Et je remercie d'ailleurs beaucoup Bernard Fossé, qui a énormément travaillé sur l'international et qui nous a, donné des visuels tout à fait originaux et intéressants. Et on voulait également, bien sûr, beaucoup travailler sur tous les projets spéciaux, les compilations, tout ce qu'il y a eu autour de Johnny. Dieu sait s'il y en a eu, des opérations publicitaires. Vraiment, là, on a essayé d'être le plus complet possible. Et c'était une partie à laquelle moi je tenais beaucoup. On a essayé de mettre vraiment le maximum de choses. Et puis, on a aussi voulu traiter ce qu'on appelait Johnny à l'écran. Parce que si Johnny a fait partie de la vie des Français, comme on le dit, il faisait partie de la vie des Français et nous on faisait partie de sa vie. Mais s'il a fait partie de la vie des Français, c'est aussi parce qu'on l'a beaucoup beaucoup vu à la télévision, dans des émissions très originales souvent, qui ont fait des cartons d'audience. Parce que, par exemple, quand il faisait Avis de Recherche avec Patrick Sabatier, c'était 17 millions de téléspectateurs qui regardaient. Il y avait trois chaînes à l'époque, quatre chaînes avec Canal+. Et donc, c'est des audiences pharaoniques. Même quand TF1 a fait en direct le concert de la Tour Eiffel, il y a plus de 8 millions de personnes. Exactement, qui regardaient. Donc, tout à fait. C'est des scores d'audience. On sait que, malheureusement, on est à la veille du 5e anniversaire de sa disparition. Il y a plus de 15 millions de Français qui ont regardé l'hommage national qui lui a été rendu. Donc c'était quelqu'un qui évidemment a attiré une foule considérable, une audience considérable, et c'est ce qui fait qu'il fait partie de la vie des Français. Donc on a essayé aussi de mettre dans ce livre les grandes émissions de télé auxquelles il a participé, avec aussi tous les films qu'il a fait, mm-hmm. films ou téléfilms. Donc tout ça est dans le livre. Et puis un des grands plus du projet, c'était les rencontres qu'on a fait, les interviews qu'on a pu obtenir. C'est une sélection qu'on a fait avec Thibaut. Et c'est lui qui a fait les interviews. Donc on voulait avoir par décennie 2-3 personnes. Mm-hmm. Alors c'est plus facile sur les décennies récentes que c'est les années 60. Exactement, bien sûr. Malheureusement. Donc on a réussi. Alors ce qui était formidable, c'est qu'on a fait une liste et on a appelé toutes ces personnes et il n'y en a pas une qui nous ait dit non. Ils ont tous dit oui. Y compris le tout dernier, qui fait partie de ses interviews, qui est le dernier compositeur de Johnny, qui n'avait pas parlé depuis le décès de Johnny Hallyday, mm-hmm. et qui très gentiment a accepté de nous recevoir dans son studio et nous accorder 2 heures d'entretien. Et donc c'était passionnant parce que c'est la première fois qu'il parlait. Et on entendra tout à l'heure Thibaut Geffrotin aussi, que j'ai eu par téléphone hier. Et il nous parlera aussi également de ses différentes interviews qu'il a pu avoir. Et il m'avait dit, que j'ai pas mis pendant l'émission, mais il m'avait dit qu'il y avait 2 personnes pour lesquelles il n'avait pas pu avoir et qu'il aurait aimé. C'était Don Rose. Oui. Et il y avait aussi Bob Clairmontaine. Oui, absolument. Peut-être Chris Kimsey aussi. Ça aurait été intéressant aussi, Chris Kimsey. On savait que c'était compliqué, donc on l'avait pas mis. Enfin, on aurait aimé bien sûr l'avoir, mais on savait que c'était compliqué, donc on l'a pas fait. Mais ce qui est formidable, c'est que toutes ces personnes nous ont dit oui et se sont livrées de façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de raconter sur Johnny. Ouais. Mais même à notre grand étonnement, quand on a sollicité Mickey Jones, qui vit à New York, et qui n'est pas venu en France, puisque j'étais voir Foreigner le 4 octobre à Playel, il était sur l'affiche, mais il n'était pas sur scène. Je pense qu'il a peut-être des problèmes un peu de santé, mais Mickey Jones nous a accepté tout de suite de faire cet entretien, et qu'on a fait évidemment par internet, par exactement, votre questionnaire. Voilà. Parce qu'il faut dire que toutes les interviews sont de l'année 2022, sauf deux interviews, évidemment celle de Robin Lemesurier et celle de Joey Greco. Voilà, quand t'es faite par Thibaut avant le décès de ces deux personnes qui tout sont à fait depuis ce monde, donc, mais qui n'avaient jamais été publiées dans leur intégralité. Donc là, on a mis l'intégralité des interviews de Joey Greco et de Robin Lemesurier. Alors, on va parler de ton livre, mais également aussi de ce qui va sortir. Qui est déjà sorti le 25 novembre. Le 25 novembre, c'était la collection, on va dire. On peut appeler ça une collection de Johnny Hallyday. C'est pour ça qu'on parle de itinéraire d'une légende. Oui. Avec Je sais pas si tu peux appeler ça une collection. C'est un projet. C'est un projet qui est arrivé, en fait, qui a été conçu pour cette date des 50 ans de disparition. D'abord, la spécificité de ce projet, c'est que pour la première fois, tous les labels de Johnny sont réunis. Et donc, il y a eu notamment un accord entre Universal et Warner pour s'associer dans ce projet. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, d'assez original, et en tout cas d'intelligent. Exactement. Je dirais d'intelligent. L'idée de ce projet, c'était de faire une compilation vraiment un peu ultime, et celle qui va rester dans les catalogues et qui sera commercialisée au fil des années, qui restera au catalogue, contrairement à d'autres qui disparaissent avec le temps. Et donc, le point de départ de ce projet, ça a été une compilation de 20 titres. Et puis là, quand on s'est lancé dans cette sélection, parce que ça a été un travail d'équipe, on était autour de Xavier Perrault qui a mené toute cette opération, on était 4 avec lui. On s'est rendu très vite compte que c'était compliqué, parce que 20 titres sur toute sa carrière, ça nous obligeait par exemple à éliminer soit Requiem pour un fou, soit Derrière l'amour. Oui, tout à fait. Donc Xavier est allé voir son boss et il a négocié la possibilité de faire un 40 titres, donc là c'était quand même plus confortable. Et ensuite, l'idée a été d'essayer de décliner ce projet sur des thématiques que Johnny a beaucoup chantées, les grandes thématiques de sa carrière, plutôt que de faire soit une compilation, une certaine couleur musicale, soit une chronologie, des choses qui ont déjà existé. Là, on a arrêté 5 thématiques qui nous paraissaient les plus représentatives de ce qu'il avait chanté. Voilà, on a Johnny Performer, on a Johnny Pionnier, on a Johnny Rebelle, Johnny Irrésistible et Johnny Solitaire. Alors, il fallait trouver des noms. Il y en a un qui a été compliqué. C'est qu'en fait, évidemment, Johnny a chanté l'amour et sous toutes ses formes dans sa carrière. Mais alors, trouver un titre pour dire Johnny l'amour, c'était vraiment. Je me suis fait la réflexion aujourd'hui, je me suis dit, c'est vrai qu'ils auraient pu appeler un Johnny in love ou je sais pas quoi, Johnny et l'amour, mais. Tu ne peux pas savoir le nombre de titres qui ont été couchés finalement pour arriver à celui qui a été retenu par la maison de disques. Et puis, il y avait évidemment l'univers carcéral très présent dans la carrière de Johnny. Il y a la solitude qui est incontournable. Bien sûr. Parce qu'il a chanté la solitude toute sa vie. Il y a le côté conquête de l'Ouest, enfin l'Amérique, qu'il a évidemment inspiré à la fois par les styles de musique qu'il a chanté et aussi par des artistes qu'il a adorés. Donc on l'a appelé Le pionnier. Ouais, je ne sais même plus les pionniers. On se mélange au bout d'un moment. Donc il y avait l'amour, la solitude, le côté rebelle, le côté pionnier et puis le côté interprète, donc la voix. Le performer. Donc ce qu'on appelait performer qui met en avant des chansons où l'interprétation était tout à fait exceptionnelle et souligne évidemment la qualité incroyable de la voix de Johnny et l'interprète fabuleux qu'il était. On envoie aussi un bonjour à Jean-François Brieux qui a fait tous les textes. Jean-François Brieux, notre ami bordelais. Toujours là, fait effectivement tous les textes. Et puis, je trouve que le graphisme de cette série est assez réussi. Oui. Donc, l'agence avec laquelle travaille Xavier mérite un coup de chapeau aussi pour son travail. Il y a de belles pochettes, il y a de belles photos à l'intérieur. Et puis aussi, les vinyles, quand on tient les vinyles en main, on se dit waouh! C'est un beau produit, un très très beau produit. Voilà. Alors, il se vend en plus, il est vendu à l'unité. Donc, chacun peut faire son marché. Exactement. Les CD sont à des prix très abordables. Le vinyle, c'est malheureusement plus cher et ça sera de plus en plus cher. On l'a expliqué lors de la mission de Bercy. C'est un peu terrible. Mais par contre, le CD reste quand même un prix très abordable. On va en continuer à parler de ton livre et ainsi que de cette collection-là. Dis-moi, Jean-François, donc on va parler pendant cette émission. On va écouter plein de titres, différents titres de ce projet. Un projet. Non pas de collection, mais de ce projet-là. Itinéraire d'une légende. Et on va commencer déjà par quelques titres du volume Johnny Hallyday Irrésistible. Tu as sélectionné donc Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah bah, c'est une chanson, on en a déjà parlé, je pense, dans différentes émissions, mais d'abord, c'est un album qui a marqué ma vie pour des raisons personnelles. C'est une chanson que j'aime beaucoup et surtout, j'ai le souvenir de l'avoir vu interpréter en live, en vrai live, hein, à Béziers, puisque j'étais à Béziers. En 1974. Voilà, c'était un concert absolument extraordinaire. Il rentrait sur scène sur cette chanson. Après, je l'ai revu à Biarritz, pareil, il rentrait sur scène sur cette chanson. Et c'était un moment absolument grandiose. Et j'ai jamais compris que ça ne la reprenne pas. Mm-hmm. Il aurait chanté dans les années 90 ou début des années 2000 avec la voix qu'il avait et les possibilités techniques, les mises en scène qu'on pouvait imaginer. Ça aurait été quelque chose de grandiose. Bon, ça n'a pas été le cas. Ce serait une question posée par exemple à Bernard Schmitt, par exemple. Est-ce que Bernard avait soumis ce titre dans différents projets de tracklisting? Et peut-être que Johnny ne voulait plus l'interpréter. Peut-être qu'il voulait plus l'interpréter, oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup cette chanson et je trouve que, évidemment, et quand Jean Renard raconte l'enregistrement de cette chanson, c'était dans un magazine à l'époque qui était sorti, c'était bluffant parce que Johnny était derrière son micro et entre quatre parois de verre et il a transpiré comme s'il était devant 10 000 personnes et je crois que la première prise a été la bonne. Mm-hmm. Tellement ça sortait de ses tripes et c'était vraiment une interprétation absolument à couper le souffle, quoi. C'est ce qu'ils disent également dans le livre, hein, dans toutes les interviews qu'on lit, c'est que Johnny Hallyday, en gros, en une ou deux prises, ça y est, le titre était capturé. Oui, alors dans le bouquin, enfin, toutes ces interviews qu'a fait Thibault, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens se parlent de façon extrêmement... Se sont livrés, ouais. Voilà, ce livre, ils sont pas là pour passer la brosse à la lumière, comme on dit, il y en a qui disent des choses cash, qui sont intéressantes, mais il y a des caractéristiques qui sont, je dirais, communes à chaque interview, où notamment, effectivement, comme tu le dis, la façon dont Johnny travaillait en studio et le peu de prise dont il avait besoin, le côté d'abord très solitaire de Johnny, même voilà, pour ses enregistrements et tout, ils ont assisté à des scènes, des choses étonnantes, ouais. Hein, de quelqu'un qui pouvait s'isoler dans un coin pendant de longues minutes, voire de longues heures, ne pas parler, voilà, et on n'osait surtout pas le déranger. Et puis quelqu'un aussi qui était d'un professionnalisme absolument incroyable, qui entendait tout, qui voyait tout, qui définissait tout, choisissait tout, et qui savait vraiment où il voulait aller. On va attaquer tout de suite avec le premier titre, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, même si Johnny peut-être ne l'aimait plus, mais nous, on l'aime toujours, ce titre. Bonne écoute à toutes et à tous de cette émission. Je t'aime, je t'aime, je t'aime et j'en rêve. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime d'amour et de haine. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je vis mon martyre. t'aime, je t'aime. Ton corps est facile. Oh, je t'aime, oh, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ma raison vacille. Je ne suis qu'un homme, oh, le plus fou des hommes. Et pourtant je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, ma tendre blessure. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ma douce torture. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, oh je t'aime, oh, oh. Oh je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, toi qui me déchires. Oh, oh, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, tant que j'en délivre. Oh, je t'aime, je t'aime. Je t'aime et tu me condamnes à la peine de vivre. Je peux tout subir jusqu'à me détruire. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. fille qui avait des cheveux si clairs que j'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps voyagé. J'avais Johnny et la fille aux cheveux clairs, Johnny Hallyday en 1970, ah, album vie. Vie, qui est sorti, ressorti dans ce très beau livre disque cette année, en janvier cette oui. année. C'était la première collaboration, enfin tout au début de la collaboration avec Philippe Labro. Et puis c'est un titre qui va bien dans cette collection parce que c'est un côté très balade, très américain. Exactement. Et puis tu sais, on avait fait, je t'avais dit, donne-moi ta liste pour ce soir. Et puis moi je dis, je vais faire ma liste également. Et puis donc c'est un des titres que nous avons en commun, bien entendu. En commun, ouais. Sur le premier titre que t'as passé, oui. On peut espérer peut-être. Universal a passé des accords avec Europe 1 et avec RTL pour exploiter les bandes de ces deux radios. Ça a donné naissance l'année dernière à une collection archive avec trois concerts. Fréchus 66, Grenoble 108 et le Jeudi Circus. Et donc on peut espérer aussi, pourquoi pas, un accord avec France Inter qui avait diffusé le concert de Béziers en 74. Ça serait bien qu'on retrouve la bande de ce concert et qu'on puisse le sortir parce que c'était un super concert. Hein, il était avec Michel Sardou. Ça serait bien d'avoir au moins un point que pour avoir la version de Je t'aime en live. Prends ma vie également. Oui. Je t'aime, il y a la version, il l'avait chanté dans le top des Carpentiers en 2014. Oui. C'était du live, c'était un live. Dis-moi, à partir de ton livre, Tout Johnny, que tu as fait avec Bernard Fossé puis avec Thibaut Geffrotin. Alors, Bernard Fossé, qui est Bernard Fossé? Alors, Bernard Fossé, c'est un notaire. Il est aujourd'hui à la retraite. C'est quelqu'un qui a été baigné très jeune dans la musique. Son frère était musicien de jazz, donc a bien connu des gens qui ont travaillé entre autres avec Johnny dans les années 60 au tout début. C'est un collectionneur. Moi je suis pas du tout collectionneur, je vais pas aller chiner dans des brocantes et autres pour trouver des pièces rares, mais lui c'est effectivement entre autres son taf, et donc il a énormément de pièces de collection chez lui et il recherche vraiment des pièces rares. Il s'intéresse à tout ce qui est sorti un peu partout, et donc il nous a apporté cette connaissance notamment du marché international. Il y a un pays qui est extrêmement compliqué, c'est la Russie. Il a traité la Russie. je pense pas trop mal. Et on a aussi, si tu veux, dans ce livre, traité tous les labels indépendants aujourd'hui qui sortent plein de choses. Exactement. Hein. Notre ami Jacques Leblanc de Jukebox Magazine est très présent, donc il était très content. Et Bernard, si tu veux, c'est vraiment son dada. Donc c'était assez complémentaire parce que moi j'ai fait tous les textes, Thibaut a fait les interviews. Bernard a travaillé sur la partie vraiment très collection. Oui. Et puis, bon, la discographie française et tout. On a passé des heures avec Bernard au téléphone à échanger ensemble. Puis on doit beaucoup aussi au directeur artistique Serge Billous, avec lequel j'avais déjà travaillé sur 50 ans, 60 ans, qui a rendu quelque chose qui pouvait être un peu austère, extrêmement agréable, je pense, à l'œil, avec des couleurs, avec une maquette qui est très dynamique et qui fait qu'on se plonge. En fait, c'est un livre, tu ne lis pas en chronologie. Tu vas à l'année qui t'intéresse, tu Exactement. Vas chercher un disque qui te rappelle des souvenirs, Exactement. Etc. Et puis, donc, les interviews qui viennent rythmer... qui viennent agrémenter tout ça, qui sont très plaisantes à lire. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le livre, j'ai feuilleté, j'ai regardé un peu tout le contenu au niveau des disques et tout ça, mais j'ai sauté sur toutes les interviews. C'est logique, hein, parce que... Et puis après, quand il y a une année qui est intéressante, eh bien, on va s'attarder dessus et on va découvrir tout ce qu'il y a, les passages de télé, les passages radio, les films, la discographie du moment. Et les interviews, je crois que Thibaut t'en a parlé, on va en parler un peu plus tard, mais on a essayé d'aller trouver des gens qui sont pas forcément des gens connus, ou d'autres qu'on avait un peu oubliés. Donc il y a vraiment des gens auxquels je tenais particulièrement, quelqu'un comme Gabriel Yarod, je voulais absolument l'avoir dans le livre. Parce que c'est une époque, et c'était Hamlet. Exactement. Alors, je peux te dire que quand on l'a sollicité, je sais pas si Thibaut te le raconte, mais il a été vachement content. Il compense à lui, il était sidéré. Et donc, il s'est replongé là-dedans avec vraiment beaucoup de plaisir. C'est un musicien extraordinaire, hein, qui a été primé pour des musiques de films, il a fait des choses magnifiques. Exactement. Mais il était heureux de nous raconter cette époque et de nous raconter Hamlet. Et ça a vraiment été pour nous un grand moment. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais absolument. Comme, par exemple, quelqu'un dont le nom ne dira rien à personne, qui s'appelle Antoine Guifian, qui travaille aujourd'hui chez Parlophone. En fait, c'est Warner, il est directeur de Parlophone. Et c'est lui qui a été à la manœuvre pour orchestrer l'enregistrement de l'album Tenue Secret, le 50e album de L'Amour. Le fameux de L'Amour, oui. Et donc, il nous raconte des choses vraiment intéressantes, très, très amusantes. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, il est très occupé puisqu'il s'occupe de Michel Polnareff et du grand retour de Michel Polnareff. Oui, oui. On va écouter un autre titre de Johnny Hallyday, puis on va continuer toujours de cette émission et pour vous parler donc du livre Tout Johnny que Jean-François nous présente ce soir, et ainsi que de la collecte, le nouveau projet de Universal avec Johnny Irrésistible, solitaire, performeur, rebelle et puis pionnier. Universal avec Warner. Universal avec Warner, et puis voilà, il y a un titre de Vogue ou deux, oui, il y a Ouija, oui, et puis oui. Souvenir. Bon, c'est une petite partie. Voilà, mais les trois labels sont réunis, puis voilà, si vous voulez faire une bonne, j'allais dire collection, tu vois, oui, on peut se faire une collection rien qu'avec ça déjà. Au moins, il y a de tout, toutes les années. Il y a surtout plein de titres qui sont pas très, très, forcément des titres très connus. Et qui sont, mais c'est l'intérêt. C'est ça qui est l'intérêt. La couleur générale de chaque disque est intéressante. Alors, évidemment, il y a ceux qui ont déjà tout. Bien sûr, j'ai tout, il n'y a pas d'inédit, mais ça c'est, il y a des inédits, on ne les sort pas comme ça. Mais par contre, il y a des tas de gens que je connais qui aiment beaucoup Johnny Hallyday, qui ont des disques de lui, mais qui n'ont pas tout, et qui, en écoutant ce projet-là, découvrent des chansons qu'ils ne connaissaient pas. Comme cette chanson qu'on adore aussi de 1975, extrait de l'album La Terre Promise, c'est la chanson La Première Fois. Ah, quelle belle balade. Eh ben oui! Moi j'avais peur, toi tu tremblais, du fond du cœur tu m'appelais, et cette nuit était pour toi la première fois. Oui, je découvrais un peu de toi, du bout des yeux, du bout des doigts, ton premier cri. Ce fut mon nom la première fois. On s'aimait tant, on s'est tout donné. Une femme était née dans mes bras pour moi. On se cherchait, on se trouvait, on s'attendait, on s'aimait. C'était bien plus que de l'amour la première fois.

On est toujours dans la, dans, sur le CD. Sur le CD du projet Johnny Irrésistible. D'ailleurs, en fait, des chansons dites d'amour. Et tu vois qu'en fait, il y a des styles extrêmement différents. Parce que quand on pense à amour, on va penser que je t'aime, on va penser je te promets, des choses comme ça. Exactement. Ils sont dans les compilations, de toute façon, dans le best-of. Mais quand on regarde et qu'on écoute toutes ces chansons qui traitent de l'amour de façon très différente. La première fois, par exemple, c'est une thématique qui n'a rien à voir avec chanter la première fois sur deux étrangers, sur deux étrangers. La musique, non, ça ne passerait pas. Donc ça fait deux beaux CD. Et alors, petite question sur ton livre. D'où est venue l'idée justement de confectionner ce livre-là? Est-ce qu'il y a une idée de base? Est-ce que c'était... Modestement, oui, c'est une idée que j'ai eue. En fait, c'était en juillet l'année d'avant. Je réfléchissais à quelque chose à faire autour de cette date anniversaire. Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, ça serait... Je pense que ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, tel que je l'imaginais, de le faire aussi complet qu'on l'a fait, avec cette DVD Tech à la fin, avec toutes ces dates télé, avec toutes ces interviews et tout ça, de faire un projet comme ça. Donc j'ai appelé Flammarion, avec qui j'avais déjà travaillé. Et la personne m'a dit, écoute, je pars en vacances, rappelle-moi en septembre, ce que j'ai fait. Et ça leur a pris 48 heures pour se décider. Et revenu 48 heures après vers moi, en me disant, écoutez, on y va, ça nous plaît beaucoup. Alors, j'aurais dit, c'est pas un projet que je peux faire tout seul. Donc, je voudrais le faire avec deux de mes amis, qui ont des particularités, des spécificités. On est complémentaires. Et je pense que ça peut faire un beau projet. Donc, j'ai représenté Bernard et Thibault. On a fait la première réunion. On l'a fait dans mon école, à Paris. Donc, j'ai fait venir, après un cours que je donnais. J'avais réservé une salle. Donc, on s'est vu là. Et cette réunion était le point de départ de tout, parce qu'il y avait Serge Bijoux, donc le directeur artistique, qui nous a dit, si vous voulez que ça marche, il faut que ça soit chronologique. C'est la seule façon que ça soit clair, compréhensible. Et donc, on est parti effectivement sur de la chronologie avec 4 chapitres. Donc la disco française, la disco étrangère, ce que j'ai appelé les compiles et opérations spéciales, qui se densifient avec le temps. Enfin, ça prend une dimension dans les années 90 absolument incroyable. Et puis la partie Johnny à l'écran, donc télévision, cinéma. Et puis après, à la fin, on a fait une DVD Tech, on a fait tous les clips, tous les réalisateurs, enfin vraiment une masse d'informations importante. Et c'était à partir de là, il a construit une maquette avec des codes couleurs pour que ça soit extrêmement lisible. On a fait un lexique au début du livre pour des gens qui maîtrisent pas forcément tous les termes techniques. Bien sûr. Un espèce de mode d'emploi. Voilà, on a fait ce projet. Mais très bien, on va continuer à en parler. Ça nous a pris, on a démarré en septembre et on a fini en juillet. Ouais. En juillet. Et donc, je vous dis aussi, oui, vous l'avez lu dans l'énoncé de l'émission, mais ce livre, Tout Johnny, est à gagner. Absolument. Il va être à gagner. On va vous poser la question d'ici quelques minutes. Si vous voulez, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, noter. C'est la radio et tout ça. Non, c'est parce que tu as le livre et qu'il pèse très lourd. Oui, il pèse lourd. Il pèse plus de 2 kilos. Il est lourd. Il n'y a pas de caméra, mais je le montre, je le tiens à ma main. Vous pouvez déjà noter si vous voulez l'adresse mail johnnyaz.rigfm@gmail.com pour envoyer vos réponses. Je répète, johnnyaz.rigfm@gmail.com. Je vais le noter sur la page Facebook. Et alors, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé qui participe à ce livre aussi, qui a eu la gentillesse de nous écrire la préface, qui est un texte absolument remarquable, et je le remercie aujourd'hui. On a rendez-vous avec lui dimanche pour une émission spéciale. C'est monsieur Georges Lang. Quand je l'ai appelé pour lui proposer l'idée, il était d'abord extrêmement touché qu'on lui propose, et il m'a dit oui tout de suite, et on l'a laissé faire. Il nous a envoyé un texte qu'on n'a pas touché, évidemment, une virgule, un mot, tellement c'était bien. Ah non, il n'y a rien à dire. Et c'est pour nous vraiment une grande satisfaction, un grand plaisir de l'avoir eu dans ce projet avec nous. Et donc dimanche, vous y allez pour... Alors dimanche soir, on est invité dans ces nocturnes. On va faire les nocturnes de minuit à 2h du matin pour une spéciale Johnny. Et parler aussi un peu du livre, mais surtout pour faire une spéciale Johnny. Ça sera mieux cadré qu'ici, hein. On verra bien. On sera à l'écoute. Ben, j'espère bien. Dernier titre donc de la petite, de la compilation Johnny Irrésistible, c'est le titre Te manquer qu'on retrouve sur l'album Rester vivant. Non, alors c'est un titre Warner. Donc, titre Warner. Il y en a à chaque fois à peu près 20% sur chaque CD, il y a 20% de titres Warner.

c'est l'histoire des concerts de Johnny. C'est une histoire qu'on a écrite avec Thibaut. On n'a pas arrêté de travailler ensemble cet été. On a fait ça cet été, au mois d'août. Et avec une particularité, c'est que tu as des QR codes tout au long de ce magazine qui fait 196 pages, je crois. Et si tu scannes le QR code, tu as le son, soit de la chanson, soit du concert. Et c'est assez amusant, c'est assez original. C'est un éditeur qui s'appelle Diverti qui nous a sollicité par le biais d'une tierce personne, et on a fait ça cet été. Et donc on raconte en fait l'histoire de tous les concerts. Ça va du Palais des Sports, du Festival Rock Palais des Sports 1961, jusqu'à la toute dernière tournée des Vieilles Canailles. Mm-hmm. Donc tous les shows, y compris on a fait un chapitre sur les Francofolies, on a fait évidemment le Night Rider Band, on a fait le Johnny Circus, mais c'est surtout les grandes scènes parisiennes, les Olympia, les Palais des Sports, les Bercy, le Zénith, la Tour Eiffel, tous ces grands shows de Johnny. Avec donc l'idée, c'est de faire un récit vivant, et que la personne qui nous lit finalement se voit dans le concert, se projette dans le concert. Et puis on a mis évidemment bien sûr les musiciens, les track listings, et on a fait ressortir à chaque fois une chanson importante. Enfin, la maquette est assez sympa, et les photos sont aussi intéressantes. Mm-hmm. Donc voilà. J'ai une photo avec Mallory que je connaissais pas. Voilà, une photo avec Michel Mallory, effectivement. Des années 80, 1981, ça. Et donc tu as aussi quelques textes qui viennent là aussi rythmer le projet sur des thématiques, par exemple les duos de Johnny, les premières parties de Johnny. Mm-hmm. Johnny Elvis, on avait sélectionné un certain nombre de... Tout à fait, là je suis avec les paroliers de Johnny. Les paroliers de Johnny, voilà, c'est une partie que j'ai dû faire moi sur effectivement Long Chris, Gilles Thibault, Michel Mallory, Philippe Labro, et puis après tous ceux qui sont arrivés et plus récents. Alors dans les dernières années c'est plus compliqué parce qu'il y en a, beaucoup, il n'y a pas un parolier attitré comme il y a pu y avoir dans les années 70 avec Michel Mallory par exemple. Ouais, voilà. Donc on a essayé de regrouper tout ça dans ce papier. Voilà, donc c'est en vente dans les maisons de la presse. Mmh. C'est vraiment très sympa. Ça vaut 19,90 €, je crois. C'est ça. C'est ça. Et la couverture est très belle, je trouve. La photo de couverture, c'est une photo du Zénith. Et Johnny est absolument magnifique, il faut envoyer en dessus. Voilà, donc c'est sorti il y a 3 semaines, ça. Je vais vous mettre ça en photo. Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui le connaissent déjà, celui-ci, mais je vais vous le mettre aussi également en photo. Tiens, j'ai notre ami Xavier Perrault qui va intervenir dans l'émission Johnny de A à Z. C'était suite à l'émission qu'on avait faite sur Bercy. Sur les Bercy. Puis donc, en même temps, il nous avait parlé donc de cette thématique, de ses albums thématiques, et ainsi que lui, ses impressions sur Johnny Hallyday, parce qu'il va nous dire, je ne suis pas à la base un fan de Johnny. Je confirme. C'est la première fois où on couvre l'intégralité de la discographie de Johnny. Il y a une volonté, et on a travaillé, je trouve, avec Jean-François, Bernard, avec Jean-Brieux également, tous les quatre. Ce qui est assez intéressant dans tout ça, bon, le best-of, bien évidemment, c'est important, il faut marquer le coup, c'est les 5 ans de la disparition de Johnny, mais ces histoires de thématiques, c'est un beau sujet, quoi. C'est un beau sujet. Alors, avec toutes les contraintes, c'est évident que chacun aura son track listing et que c'est forcément suggestif comme choix. En même temps, c'est un choix un petit qui est partagé par tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas la décision d'une seule personne. En l'occurrence, moi, il y a des fois, on n'était pas forcément d'accord. Mm-hmm. Et je me suis rangé à la vie générale. C'est-à-dire que s'il y avait, je voyais qu'il y avait consensus autour d'un titre. On s'est battu pour la prison des orphelins. Ouais. Ah, voilà. T'as tranché, hein, c'est ça, t'as tranché. Qui c'est qui voulait pas la prison des orphelins? Lui? Il voulait pas? Oh, punaise. Ah. Non, mais attends, après, c'est en fonction de la, enfin, bon, bref. Non, mais. Pour te dire, la prison des orphelins, je l'ai connue en 93, exactement. Tu vois, 20 ans plus tard, j'ai connu, hein. C'est devenu une de mes chansons préférées. Et rapidement, et de suite. La mélodie, ouais. Le style country aussi également. Voilà. Mais après, je sais que c'est toujours pareil. C'est forcément suggestif. Après, moi, à un moment donné, je me suis rangé à la vie générale. Mais est-ce que tu es fan de Johnny à la base, ou si tu es venu avec le temps à l'usure, sous la contrainte? Non, moi je suis pas venu sous la contrainte, c'est moi qui ai choisi. Mais je suis pas fan de Johnny, très sincèrement, je suis pas fan de Johnny. Par contre, c'est un mec vraiment que j'ai appris à découvrir, que j'ai appris à respecter. Moi, j'ai énormément de respect pour la carrière qu'il a menée. pour le chanteur incroyable qu'il était, voilà, ce qu'il a fait sur scène, évidemment, et tout est hors norme chez ce mec-là, le nombre d'albums, le nombre de tournées, la durée de sa carrière, mais c'est pas tellement ça, encore une fois, peut-être finalement, c'est que sa vie dépendait de son métier, clairement. Je pense que c'est un mec qui aurait certainement mal tourné s'il avait pas découvert le rock'n'roll et Elvis et qui serait devenu peut-être un petit voyou, peut-être qu'il aurait été derrière les barreaux. Tout à fait, comme il a souvent souligné, hein. Oui, comme il l'a souvent dit, mais je pense qu'il a, il est assez lucide là-dessus, quoi. Et puis c'est un showman incroyable. On a beau dire ce qu'on veut, si parfois, effectivement, avec le temps, les choses, on regarde les choses avec un petit peu avec étonnement. Puis il a pas calculé en plus. Non, il y a beaucoup d'artistes. On parlait de Sardou tout à l'heure. On évoquait Sardou. Sardou, c'est quelqu'un qui a calculé. Il a la carrière qu'il a, donc on parle pas de n'importe qui. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a calculé. À l'idée, il y avait pas ce calcul là. Il n'y avait pas ce calcul-là. Peut-être que même d'ailleurs, des fois, on se dit, s'il avait été plus malin et plus calculateur, il y a des choses qu'il n'aurait pas faites et qui lui auraient permis sans doute de gagner en légitimité médiatique. Voilà, parce qu'il y a des artistes qui savent très bien faire ça. Il y a des artistes. Oui. Mais je pense que lui, non, c'était pas du tout ça. Puis en plus, il y a une période, il a bien vécu. Il a fallu qu'il fasse tourner, qu'il a fallu fasse album sur album à cause de l'argent aussi, en même temps. De toute façon, il dépensait ce qu'il allait gagner. Oui, c'est ça, oui. Ouais, exactement. Il dépensait plus qu'il gagnait. Mais donc, il calcule, voilà. Mais il calculait pas ça. Non. Il calculait pas. Non. Il le vivait. Il voulait un truc. C'est ça. Pour tout ça, moi, c'est un mec qui me, c'est un type qui me fascine. Et encore une fois, moi, il y a des chansons comme ça qu'on découvre. Tu parlais tout à l'heure de La Prison des Orphelins que t'as découvert en 93. Moi, il y a des chansons que j'ai découvert il y a pas très longtemps et qui, quand tu connais un petit peu la carrière de l'artiste, prennent d'un seul coup d'un seul une dimension assez extraordinaire. J'ai crié à la nuit. Par exemple. Oui. Ouais, je suis pas un fan à la base, mais et puis c'est aussi voilà, c'est un répertoire qui est énorme, qui est intéressant à travailler. On se donne les moyens de faire les choses bien. Tout le monde ne bénéficie pas de ce traitement de faveur. Hein. Moi, je suis un des seuls chefs de projet aussi ici au catalogue. Je suis pas à 100% sur Johnny, mais je suis quand même bien à 80% sur Johnny. On peut pas le faire sur d'autres artistes. Et on a cette chance qu'il ait cette popularité. Et puis après, il y a cette la somme de son œuvre qui est colossale, quoi. Et puis il y a cette volonté aussi de chercher un son aussi. Il y a quand même une des grandes spécificités de Johnny. C'est pas le seul. On peut citer Eddie Mitchell aussi, mais Eddie Mitchell c'est moins baladé que Hallyday. Hallyday, lui, il est parti aux quatre coins du monde presque. Puis ça, c'est des rencontres. Il a bossé avec beaucoup de grands ingénieurs du son et des musiciens aussi. Puis c'est un interprète incroyable. C'est un interprète, mais c'est le premier truc déjà. Ouais. C'est le premier. C'est ça. C'est d'abord ça ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est un interprète incroyable. Et en plus incroyable et qui ça c'est Camus qui le dit aussi dans les interviews. C'est il dit en général, moi je suis désolé, mais les artistes à un moment donné sur leur voix baisse. Ah oui. Bon alors à l'idée peut-être qu'à la toute fin c'était plus ça et bien évidemment compte tenu de la maladie et tout ça c'était peut-être moins le cas. Mais franchement. Jusqu'au milieu des années 2000, jusqu'en 2010. Ouais, même en 2016, dans sa tournée Rester vivant, il était encore impressionnant. Très impressionnant. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui je je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros. Et faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Un héros. Je ne suis pas un héros. Et faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Un héros. Oh non, non, non. Et quand les cris de femme s'accrochent à mes larmes, je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Oui, je sais qu'elle rêve, mais ça leur fait du bien. Et à coups de pied dans la rue, oui, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Mais pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais crier. Je ne suis pas un héros. Et faut pas. Merci en 1990 avec Je ne suis pas un héros. Le titre, comme on disait Jean-François, je ne comprends pas pourquoi Johnny n'est pas repris pour d'autres concerts. Oui, c'est un titre vraiment qui avait impacté quand c'est vrai. Avait chanté. Surtout, en fait, c'est le volume performer là, qu'on a démarré avec ce titre. Donc l'interprète, et quand tu te souviens de la version studio qu'il avait, faut le dire, un peu ratée, quoi. Elle était vraiment pas terrible, elle était mollassonne. On peut pas dire qu'il était très motivé, voilà. En 1980. Ouais. Voilà. Et quand tu écoutes cette version-là en live, c'est fantastique, parce que voilà, en plus on s'y attendait pas quand il a chanté à Bercy, donc il envoie vraiment la sauce, hein, comme on dit. Et je me souviens l'avoir vu chanter plusieurs fois cet été-là en tournée, et c'était incroyable. Et puis ça marchait bien, les gens étaient contents. Enfin, c'était vraiment un titre qui lui collait à la peau. Oui. Donc c'est dommage, parce que vraiment c'est un titre qui aurait mérité là aussi de connaître une suite, une plus longue carrière sur scène. Et tu sais, quand on a fait travailler sur ce projet avec Xavier, pour tes auditeurs, en fait, au départ, on s'est mis dans une pièce à trois. Il y avait Bernard, il y avait Xavier et moi, et on a passé en revue toutes les chansons de Johnny. Ah, Jean-François Brieux n'était pas là. Non, il n'était pas disponible, donc il n'était pas là. Sinon, il aurait participé. Certainement, ouais, certainement. Donc, on a passé en revue tous les titres de Johnny. Et en se disant, celui-là, on peut le mettre dans cette catégorie, on peut le rentrer dans cette thématique. Celui-là, bah, dans aucune thématique. On a fait une première sélection, si tu veux. Mm-hmm. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de titres, beaucoup trop. Ensuite, chacun a fait sa propre liste. Chacun dans son coin, on avait 20 titres à mettre par thématique. Et Xavier a ensuite croisé les sélections de chacun. Il y avait des titres qui étaient choisis par tout le monde, d'autres qui était choisi par deux personnes, une personne, etc. Et donc, c'est vrai que quand Xavier te dit, il s'est rendu à la vie générale. C'est ça. Et sur la prison des orphelins, c'était le seul qui l'avait pas mis. Et là, on s'est vraiment, je me suis vraiment battu avec lui. Je lui ai dit, tu ne peux pas ne pas mettre ce titre. C'est pas possible. Donc, il s'est laissé convaincre. Et c'est pour ça que c'est vachement agréable de bosser avec lui parce que c'est quelqu'un, évidemment, qui est à l'écoute. Oui, c'est avec vrai. Avec qui tu peux discuter. C'est il a en plus ce sentiment que, comme il t'a dit, c'est pas un fan. Donc, il y a des choses qu'il a découvert tardivement. Et donc, il est toujours avide et curieux de connaître, de savoir, de revenir un peu sur une période qu'il n'a pas forcément connue. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. On prend vraiment un vrai pied à chaque fois à avoir des réflexions sur ce type de projet qui nous a tous occupés à un moment. Exactement. Et puis, quand moi je parle avec lui, c'est un passionné. C'est un passionné de ce qu'il fait. Alors, il est passionné. Il adore le sujet de Johnny. Hein. Voilà, il adore. Il est perfectionniste. Il cherche vraiment. Et puis, son ambition, ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment de proposer des choses différentes. Alors, je sais qu'on critique parfois beaucoup en disant on voudrait ci, on voudrait ça. Bon, il a son rythme de travail, sa méthode de travail, il est tout seul. Mmh. Donc il n'a pas que Johnny. Donc il a un emploi du temps et des journées qui sont très longues. C'est quelqu'un qui est marié, qui a une vie de famille et tout, donc c'est pas toujours simple. Et il a à peu près 3-4 temps forts chaque année à peu près. On lui demande sa direction, on lui demande de produire quelque chose. Donc voilà, il n'y a pas 50 non plus. En même temps, depuis que Johnny nous a quittés, c'est plus de 250 produits qui sont sortis sur Johnny. Et puis, il y a cette collection Livre 10, il y a la collection Archive, il y a des concerts comme le Bercy 2003, enfin, il y a plein de choses qui sont sorties. Donc, cette année, c'était une année un peu particulière, il y avait une date anniversaire, il y a ce projet, il y a le projet Bercy. Mm-hmm. Hein, qui fait couler beaucoup d'encre pour les raisons qu'on sait, mais sur lequel il a fait un vrai travail. Tu l'as bien expliqué en tout à fait, oui. Avec des ingénieurs. J'espère bien que les ingénieurs du son qui ont passé beaucoup de temps. Et l'idée n'est pas de reproduire ce qui a déjà été proposé. C'est autre chose. Donc on verra quel sera l'avenir de ce projet, de ce produit. Mais en tout cas, voilà, il a ce souci d'essayer d'apporter quelque chose, ce qui est passionnant à faire. Et on l'encourage et on le pousse dans cette direction. C'est évidemment les livres 10, cette collection qui plaît, je crois, beaucoup. Oui. Et qui, à chaque fois, permet d'exhumer parfois des inédits, parce que quand tu numérises les bandes, parce que c'est ce qu'il fait en fait, à chaque fois qu'il décide de travailler sur un disque, il numérise toutes les bandes qui sont liées à ce disque. Et ça, parfois, tu découvres des choses que tu ignorais. En tout cas, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Hein, l'année prochaine, le livre disque qui sortira, ça sera Flagrant Délit. Voilà, Flagrant Délit, et t'en sais un peu plus, hein, on aura de belles surprises dessus. Joker. Tiens, regarde un peu. J'ai regardé un peu en regardant sur le best-of 40 titres de Johnny Hallyday, que toi tu as aussi sous les yeux. Je vois un titre, un train peut en cacher un autre. C'était cet extrait des bandes de 1976 sur l'album Derrière l'amour. Alors si tu veux, alors on en parlera si tu veux après le prochain titre. Oui, mets-nous un peu de on musique. On va un peu de musique et on se retrouve tout à l'heure, peut-être pour en parler. On va retrouver Johnny Hallyday avec en 1999 et le titre Quelques cris. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z avec ce soir en invité Jean-François Chenu. troisième cri que j'ai lancé fut celui de l'homme comblé. Lorsque la foule me rappela en scène pour la dixième fois, l'éclat du succès me fit peur. Quelques cris de Johnny Hallyday en 1999, extrait de l'album 100%. Quel interprète. Voilà, on est sur le CD Johnny Performer. Avec Sagan, au texte, Françoise Sagan. Un titre que Johnny en parlait en 96, quand il était à Las Vegas. Il disait que c'est Françoise Sagan qui lui a donné un texte, et que pour l'instant, nous sommes en 96, et qu'il allait chercher quelqu'un pour le mettre en musique. En fait, ils ont dîné ensemble, et dans la nuit, elle lui a envoyé... par fax, oui. Par fax, son texte, oui. Et ce que dit Johnny, c'est que personne n'avait été capable avant son fils de le mettre en musique. C'est ça, il a mis trois ans pour trouver quelqu'un pour faire une musique dessus. Mais, et c'est son fils. Et il l'a chanté à la Tour Eiffel, et c'était une version aussi assez étonnante. On va poser la question pour le jeu concours, pour gagner le livre, voilà. tout Johnny, voilà. La discographie. Avec grand plaisir. La discographie de Johnny, toute la discographie avec des entretiens inédits et bien plus encore, comme on parlait. Hein. Avec la préface de Georges Lang. Exactement. Répondez à la question suivante. Quel auteur, compositeur, interprète français sort du silence et accorde sa première interview dans le livre Tout Johnny depuis la disparition de Johnny Hallyday? On vous laisse une petite heure pour répondre. Même pas. Non, si tu veux qu'on fasse le tirage au sort et qu'on donne les gagnants. Exactement, parce que là, on a perdu beaucoup de temps. Allez-y, répondez. On va prendre toutes les bonnes réponses et après, on tirera au sort une réponse pour gagner le livre Tout Johnny.

que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est tout petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Et même Paris, très peu d'ennuis. Et toutes ces rues me tuent. Et maintenant, vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler, oui, de nuits entières. Et au matin, moi je te haïrai. Johnny Hallyday au Stade de France en 2009 avec le titre Et maintenant, toujours extrait. On le met en fond sonore, tu veux écouter Quand on a que l'amour? On va le mettre en petite sourdine. C'est l'exemple de. On sait que Johnny aimait reprendre des classiques de la chanson française. Ouais. Il a commencé avec Ne me quitte pas d'ailleurs de Brel au Zénith. Puis en après, c'était oui. L'Hymne à l'amour. La différence, c'est que là, il terminait son spectacle avec L'Hymne à l'amour. Après, il en a fait d'autres. Et je trouve que ce qu'il a fait de Et maintenant, c'est ce que je préfère, c'est dans ce registre-là, dans ces reprises de grandes chansons françaises. Je trouve que la version des maintenant, elle est à tomber par terre. Moi, elle me donne le frisson à chaque fois que je l'entends. Et puis, c'est une façon aussi de rendre hommage à un grand artiste qu'on a complètement oublié, qui s'appelle Gilbert Bécaud. Exactement. Qui a été un chanteur qui a composé des titres absolument magnifiques, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ses chansons ont été reprises par des grandes stars américaines. Elvis Presley. Notamment Elvis, le King. Mais chez nous, c'est comme s'il n'avait pas existé, il a disparu. Et quand Johnny le chante, il le chante, mais vraiment, il s'approprie la chanson de façon incroyable. Et c'était très émouvant, cette version. Et Johnny aurait pu continuer encore à interpréter des standards, on va dire, des standards de la chanson française. Il avait une facilité à le faire. Il a pris. Quand il a fait le parapluie de Brassens pour l'album de son enfance, ouais. C'était génial. Il aurait pu faire un concert rien qu'avec des reprises à la rigueur. Il aurait pu faire un disque et il en aurait vendu des millions sans problème. Parce que sa façon de les interpréter, on oublie presque la version originale quand il interprète. Tout à fait. Et donc on a choisi un certain nombre de titres pour ces projets-là. Et donc notamment les chansons de Brel qui reprenait Quand on a que l'amour ou La quête oui. Qu'il avait repris et qui se figure donc dans ce volume. Et dans Performer, oui, trois. Ah, oui, trois titres de Brel. Oui, trois titres de Brel. Titres de Brel. Il adorait Brel. Il aimait beaucoup Brel. Il disait que c'était un grand bluesman. Puis c'était son ami, c'est ça aussi. Voilà. C'était également son ami. L'aventure, c'est l'aventure. Très bon film. Tiens, c'est avec plaisir que je me le regarde, celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ton livre, Jean-François? Bah, écoute, Thibaut va te parler. Thibaut va nous parler un peu des interviews. Il y a des pièces de collection. Alors. Parfois, il y a quelques albums qui nous ont conduit à modifier un tout petit peu la maquette et à sortir des codes couleurs. Oui. C'est le cas, par exemple, de La Génération Perdue, qui est sur une double page. Cette période-là est sur une double page fond noir. Et il y a une pièce, quand même, je pense assez rare, qu'on n'a pas vue souvent. C'est le programme du Musicorama du 18 octobre 1966 avec le nom de Jimi Hendrix. Oui. inscrit en plein milieu de ce programme, très jolie pièce de collection Bernard nous a apporté. Donc on a essayé vraiment d'illustrer notre projet avec de très belles pochettes. Alors je parle surtout pour l'étranger. Moi j'ai pas une grande connaissance de ce que Johnny a fait à l'étranger. Aujourd'hui avec cet ouvrage, évidemment j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui m'a frappé, c'est que il y a énormément de disques qui sont sortis à l'étranger dans les années 60. Oui. Et notamment en Amérique du Sud. Et à partir du moment où Johnny devient une méga star en France, c'est-à-dire 84, après Berger, si tu veux, où là il passe une dimension, il y a quasiment plus rien qui sort à l'étranger. C'est étonnant. Mais sinon, dans les années 60-70, ces disques sont sortis dans le monde entier. C'est exactement ça. Avec certainement pas des quantités astronomiques de ventes. Mais l'album qu'il a enregistré à Nashville en 62, Sings America Rocking Is, a bénéficié d'une sortie mondiale. Mm-hmm. Nombre de pays qui ont proposé ce disque, c'était impressionnant pour quelqu'un qui débutait, en fait. En 62, il débute quand même. C'est ça. Mais voilà. Donc, j'ai appris aussi pas mal de choses en faisant ce livre. Bernard me connaissait bien tout ça, beaucoup mieux que moi. Et donc, c'était très instructif. J'ai eu une vraie réflexion sur la discographie étrangère de Johnny. Attends, c'est plus maintenant, c'est sûr. Décalé maintenant. Décalé, je sais pas. Mais je sais pas si je pourrais répondre. Faut retenir. Ouais, faut retenir. Ouais. Mais la Colombie, le Venezuela, les pays de l'Est. Et puis je te dis, la Russie, c'était pas évident à traiter. C'était pas du gâteau. On va retrouver Thibaut Geffrotin qui a participé à ce livre tout Johnny et qui a posé des tas d'interviews. Il y a, il me semble, ouais, avoir compté une vingtaine, 22 interviews. On retrouve Thibaut Geffrotin tout de suite sur l'antenne du RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Comment est venue cette collaboration sur le livre tout Johnny? Le projet a été initié par Jean-François Chenu. C'est lui qui un jour m'a téléphoné en me disant qu'il avait lu une super œuvre, un livre très intéressant sur la discographie de Michel Sardou, en me disant on devrait faire la même chose concernant Johnny. Donc on en a un peu discuté, et puis quelques temps plus tard il est revenu vers moi en me disant qu'il avait proposé le projet à Flammarion et que ça les avait tout de suite intéressés. Et ce que m'a demandé Jean-François, c'est pour apporter quelque chose en plus à ce tout Johnny et à cette encyclopédie en quelque sorte, ce dictionnaire presque de l'œuvre de Johnny, mm-hmm. des entretiens, d'essayer d'aller chercher les gens qui n'avaient pas encore raconté leur longue et riche collaboration avec Johnny. C'est tout à fait réussi, hein. Justement, c'est l'attrait en plus dans ce livre-là. Justement, les petites interviews, comme on a pu avoir. J'ai adoré lire du genre Gabriel Yared. Gabriel Yared, c'était effectivement. Comme on est tous les deux fans de Hamlet avec Jean-François, donc c'était la mission qu'on s'était donnée. Il a un emploi du temps démentiel, Gabriel Yared, donc c'était pas évident de l'avoir. Mais quand on lui a expliqué qu'on était des fans de cet album Hamlet, bah, il a réussi à nous trouver une petite heure. Et j'ai passé un très bon moment avec lui à évoquer sa collaboration avec Johnny et surtout cet album. Il a confirmé tout ce qu'on devine en écoutant Hamlet, ouais. Quand on entend l'interprétation de Johnny qui est absolument divine. Les fans liront dans cette interview comprendront que Johnny vraiment, comme on s'en doute, était vraiment passionné par ce projet. Gabriel nous a offert une très belle photo qui date des coulisses de l'enregistrement Rock and Slow qu'on a pu inclure dans le livre où on voit Johnny avec notamment ses choristes en studio. On retrouve aussi dans ce livre-là des personnes qui n'ont jamais parlé auparavant, comme du genre aussi Philippe Huminski. Oui, exactement. C'était une super interview avec Philippe que je connaissais pas avant de l'avoir pour ce livre. Très détendu et très cash. C'est ça aussi qu'on a essayé de faire dans toute Johnny. C'est le cas aussi dans l'interview d'Eric Benzi où il raconte l'Orada comme peut-être oui. jamais personne ne l'avait raconté avant. Et Philippe Lemansky raconte les moments plus difficiles, notamment quand il construisait un album et qu'il n'avait pas forcément la main sur tous les choix des chansons. Il explique notamment qu'il est déçu du mix de Bob Clearmountain parce qu'il voulait faire un album plus brut, voilà. Mais la maison de disques et même Johnny lui a expliqué que il fallait pas prendre forcément trop de risques sur le mixage et sur ce genre de choses. Il raconte aussi, Philippe Lemansky, que sur le Tour 66, le fameux medley rock'n'roll qui avait été joué à Saint-Etienne, on lui avait expliqué du côté de la production que le début de concert était peut-être un peu trop rock et que le concert allait être diffusé sur TF1, que le Stade de France, c'était un très grand public, un très large public, et qu'il fallait peut-être un peu calmer les choses pour le début du show. Et c'est pour ça qu'il a ajouté Marie et qu'il a enlevé le medley rock'n'roll qui a été remplacé juste par la chanson Dégage, quoi. Et donc c'est tout l'envers du décor qui est raconté par Philippe Lemansky et d'autres, et à la fois avec beaucoup de passion, où Philippe Lemansky, on sent qu'il a pris beaucoup de plaisir à travailler pour le dieu du rock. Et notamment quand il me raconte sa première matinée ou après-midi avec Johnny à Los Angeles, quand Johnny le reçoit, où ils se sont rendus compte qu'ils avaient un peu les mêmes affinités rock, puisque Lemansky, il adore le rock des années 50. Et du coup, ils étaient dans la cuisine de Johnny à Pacific Palisade, chacun avec une guitare et à jouer des classiques du rock que l'on connaît tous. Il a pris plaisir, mais il a pris cher aussi, également, il explique. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, elle est longue cette interview, elle fait 6 pages. Comparé à certains qui font 2, 3, 4 pages, et là, elle fait 6 pages, il avait beaucoup à dire. Effectivement, il avait beaucoup à dire. C'est pas quelqu'un qui s'exprime souvent. Et voilà, je pense que ça fait partie de ce genre de personnes qui préfèrent faire une longue interview et faire passer un message plutôt que d'être omniprésent et de jamais pouvoir faire passer le message qu'ils veulent faire passer. Quoi. C'est comme l'interview de Maxime Nucci, oui. où lui, il n'avait jamais parlé. Et là, il nous a tout raconté sur son processus créatif avec Johnny. Quoi. C'était passionnant. Très, très intéressant à lire aussi. Hein. Et Maxime Nucci, c'était quelque chose de fort parce qu'il était un peu inquiet, entre guillemets, parce qu'il n'avait pas donné d'interview au sujet de Johnny depuis le départ de Johnny. Tout simplement parce que c'est dur pour lui, en fait. C'était dur pour lui d'en parler parce qu'il a été très, très affecté. Et ça représentait un effort pour lui de se replonger là-dedans, en fait. Notamment, par exemple, dans l'écoute, où il n'a pas réécouté les albums qu'il a fait avec Johnny, parce que c'est assez difficile pour lui. Tellement il s'est donné, tellement Johnny l'a impliqué dans ses projets. Il était avec Johnny au quotidien, par moment. D'ailleurs, il y a un moment drôle dans l'interview où il me dit, quand j'allais à Los Angeles, je n'avais pas le droit d'aller à l'hôtel. Hein. Il fallait que je sois dans la maison de Johnny avec lui. Hein. Mais du coup, il va vraiment en profondeur. Il raconte comment il a écrit Te manquer, comment il a écrit Au Café de l'Avenir, cette chanson qu'il a voulu entre un mélange de rock et de grandes chansons françaises avec deux parties différentes. Enfin, il raconte tout ça dans le détail. Moi, quand il m'a raconté tout ça, il avait sa guitare, il se mettait au piano pour expliquer un peu. Enfin, c'est un artiste, Maxime Nucci, quoi. C'est quelqu'un qui parle avec ses instruments. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette interview dans son studio et l'entendre raconter tout ça avec beaucoup de sympathie pour Johnny. C'était très touchant. Et on sentait vraiment que pendant plusieurs années, il a mis presque, en fait, sa carrière entre parenthèses pour la mettre au service de Johnny, quoi. Il a vraiment donné une grande partie de lui, quoi. C'était pas simplement des chansons qu'il offrait à un autre artiste, c'était vraiment son engagement de musicien, quoi. C'est une très belle interview, justement. C'était la première fois qu'il parlait à nouveau, qu'il sortait du silence. Et donc, j'ai trouvé très, très émouvante cette interview. On coupe. On coupe. On retrouvera Thibaut dans quelques minutes. Une petite précision pour être tout à fait honnête. Philippe Lemansky s'était exprimé peut-être moins longtemps que dans cette interview dans un livre sur les guitaristes de Johnny. Un livre très intéressant et il avait déjà fait part des difficultés qu'il avait rencontrées pour cet enregistrement. C'est vrai que quand j'ai lu ça, c'est vrai que je n'ai pas encore Johnny et les guitaristes. Oui, ça ne saurait tarder. Bah, tu verras et tu retrouveras. Je vais retrouver un peu ce qu'on a été dit, mais comme on dit, on a remis l'église au centre. On a remis l'église au centre du village. Ceux qui n'ont pas ce livre, évidemment, en lisant cette interview, je pense seront assez passionnés par ce qu'ils racontent. Bien sûr. Ah oui. Toutes les interviews qu'on peut lire sont toutes intéressantes et on parle de tout. On parle de donc des compositeurs, on parle même de producteurs, même de ceux qui ont fait des marques, des produits dérivés. Il y a une partie que j'ai voulu mettre dans cet ouvrage avec des gens que je connais. C'est la partie entre guillemets ce qu'on appelle le merchandising. Mmh. Et dans les années 90, Johnny a été énormément la marque Johnny Hallyday a été très utilisée par le monde publicitaire. Il a fait des campagnes de pub, Café Le Gall, pour un opticien, mais aussi des projets que certains ont peut-être oubliés, qui sont moins connus. Il y a eu la poupée Mattel, il y a eu plein de choses. Il y a eu le champagne Vegas. Il y en a tellement. On a essayé de tous les répertoires. Il y a les parfums, l'aventure des parfums de Johnny Hallyday. Et on a interviewé la personne qui a eu l'idée de faire ces parfums. Retiens la nuit. S'est vendu quand même à 500 000 exemplaires, le premier parfum, ce qui est énorme pour l'article. Et donc, c'est Jean-Manuel Cogis qui a monté cette opération. Moi, je me souviens très bien de lui parce que c'était un ami de mon frère. Et quand il a eu cette idée, il ne connaissait pas grand-chose à l'univers de Johnny. Et mon frère m'a dit, écoute, va lui filer un coup de main pour lui présenter des gens éventuellement. Et on a travaillé à l'époque avec Joël Devouge, qui était le manager de Johnny, pour lancer cette ligne de parfums. Et puis, il y a une interview de Didier Sema, qui était directeur du merchandising et qui nous révèle et nous apprend, et c'était, je trouve, une anecdote assez amusante, qu'en fait, si Las Vegas n'a pas été le concert le plus réussi de la carrière de Johnny, en termes de merchandising, c'est un record absolu de vente et un chiffre colossal. C'est ça. Il disait même qu'il avait il portait un t-shirt de Johnny pour Vegas et il a dû vendre le t-shirt qu'il portait à un fan. Incroyable le succès du merchandising de Vegas. Bon, ça n'a pas été forcément le cas de... Exactement. Chacun a trouvé son compte, on va dire, dans l'affaire, dans l'histoire. Et avec Didier, c'est quelqu'un que j'ai connu et qui j'ai fait pas mal de projets, notamment le Trivial Poursuite sur Johnny, dans lequel j'avais pondu plus de 3000 questions. C'est un truc de malade. Et ça se vend toujours, tu sais. Je crois que ça se vend parce que, tu vois, quand j'ai travaillé avec Francis, qu'on a fait les podcasts, c'est vraiment un bon souvenir. Francis, si tu nous écoutes, te salue. Je l'ai eu au téléphone, on a gardé évidemment le contact. Il ne connaissait pas. Et donc il est allé le rechercher, il l'a trouvé, je crois, sur eBay. Il y en a encore. Voilà. Sur tous les réseaux qui sont comme ceci, on retrouve les parfums, on retrouve encore. Les parfums, il y en a eu trois. Il y a eu Retiens la nuit, Que je t'aime et Biker. Ouais. Qui était destiné surtout, comme on l'explique, on l'entend le livre, surtout dans le marché international. Oui. Mais Retiens la nuit a vraiment bien marché. Ouais. Il a fait tourner un film publicitaire. Enfin, ça a été un lancement lourd, une production. Exactement. Moi, je me souviens d'une campagne de pub aussi que Johnny avait fait. Il avait succédé à Zidane comme icône de parfum Christian Dior. Mm-hmm. Et la photo était magnifique. Ouais, avec le col roulé. Voilà. Mais il portait un col roulé. Et Johnny détestait le col roulé. Mais on lit tout ça dans ce livre-là. On lit tout ça. Il y a plein d'anecdotes. Et puis donc il y a de très bonnes interviews également, toutes sont intéressantes à lire. Et il y a des gens qui sont comme Pierre Giaconelli qui ne parlent pas souvent. C'est vrai. Les hommes de l'ombre, c'est un homme de studio. Un homme de studio et puis qui a travaillé sur beaucoup d'albums. Il a commencé avec l'album de Bispo, il a beaucoup travaillé avec David. Ouais. Sur l'album de David, il est sur Aller vie à la mort, il est sur Ma vérité. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a. Il est aussi sur, je crois, L'attente. Je crois qu'il a travaillé aussi sur l'attente. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé en studio avec Johnny. Oui. On va continuer toujours dans le projet Johnny, les thématiques Johnny. On est sur Pionnier. On voyage un peu, on part aux États-Unis. La Terre Promise. La Terre Promise. The Promised Land façon Elvis Presley ou encore Chuck Berry. Oh oui, je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais lui que passer. Oh oui, je suis chez moi, là où on m'aime, ailleurs je suis un étranger. Oh oui, de train en train, de ville en ville, je finirai bien par trouver. Oh oui, une autre ville, un autre hôtel et une autre fille à aimer. Et je ne me souviens plus d'elle et son nom je l'ai oublié. Oh oui, je cours toujours après l'amour, mais la vie va me rattraper. Oh oui, la terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. Woo! Mes bottes sur les routes du monde entier. Et j'ai chanté plus de chansons que vous en avez écoutées. Oh oui, j'ai cru trouver la terre promise quand j'ai cru rencontrer l'amour. Mais j'y ai laissé, oui, ma chemise et je suis reparti un jour. Oh oui, de solitude en solitude, je finirai bien par trouver. Avant de perdre l'habitude de conjuguer le verbe aimer. Oh oui, la fille et la terre promis, je cours après depuis toujours. Oh oui, tant pis si j'y perds ma chemise, si je peux y trouver l'amour. Woo! Oh oui, la terre brûle sous mes pieds et je ne sais pas m'arrêter. Oh oui, je vais où mes chansons m'entraînent et je ne fais que passer. Oh oui, je suis chez moi là où on aime, ailleurs je suis un étranger. Oh oui, de train en train et de ville en ville, je finirai bien par trouver. Woo! Vous écoutez RIG, l'émission Johnny de A à Z, et ce soir je suis avec Jean-François Chenu pour nous parler du livre Tout Johnny, mais il n'y a pas que ça aussi, hein. Il n'y a pas que ça. Voyez. Il y a tellement de choses. Tellement de choses qui sortent sur Johnny. La Terre Promise, c'est un peu le titre rêvé, enfin, pour parler de, aussi des sorties Warner, mm-hmm. parce que donc Warner nous propose tous les concerts de la tournée américaine. Presque tous, oui, presque intégralité. Les concerts presque tous. De la américaine, et c'est fait partie des titres qu'on retrouve dans chaque concert, comme Nashville Blues, qu'il a chanté dans chaque concert. Et donc, tous ces albums sortent d'abord en vinyle, oui. Et vont sortir dans une le 9 décembre, box CD. Le 9 décembre, ils sortent en box CD. Donc tout à fait. Voilà, ça me permet de saluer Antoine. Voilà, qui est derrière tout ça. Et donc voilà. Puis on a écouté donc La Terre Promise. On a là, on entend Nashville Blues, oui. En fond. Donc avec Don Everly, fameux enregistrement des Enfants du Rock. Et puis on va enchaîner avec des titres, deux titres que j'aime beaucoup de chez Warner, les Monuments de Valley. Là aussi un titre qui aurait mérité, je pense, peut-être une carrière scénique. En tout cas, je trouve que c'est une des très très belles réussites du Cœur d'un Homme. Et puis un autre titre, Dans la peau de Mike Brown. Et on a choisi la version live, je trouve plus forte que la version studio, pour un thème très fort, hein, puisque c'est un fait authentique, l'assassinat d'un noir par un policier blanc. Sans raison, donc c'est vraiment un fait divers dramatique, et c'est un titre qui figure donc sur le 50e album de Johnny, l'album pour Café Maxime Lucci, dont il nous a annoncé qu'il existait un soir à Lille, concert où j'ai eu la chance d'être présent. C'est un hasard total, parce que je devais pas y aller, mais comme j'ai pas pu le voir à Biarritz dans cette tournée, puisque je m'étais fait une sacrée entorse à la cheville, que j'ai pas pu tenir le coup, je suis allé à Lille le voir et j'ai bien fait, parce que finalement c'était une soirée mémorable avec l'annonce de la sortie de cet album et la présence du compositeur. Oui, Maxime Lucci sur scène, et donc il nous avait chanté ce soir-là de l'amour. Voilà. Et donc Dans la peau de Mike Brown, c'est un des beaux titres, je trouve, de cet album. On va tout de suite écouter donc Monument Valley. On va essayer de passer le maximum de titres que l'on peut pour le peu qui nous est apparti encore. Et si la terre est rouge, de tout le sang versé. Sous mes pieds, le sol bouge à Monument Valley. J'entends mille histoires dans les champs oubliés, du bleu, du rouge, puis du noir.

le soir en comptant les balles dans la peau de ma gloire. Dans la peau de Mike Brown, période Warner. Rester vivant tour. Rester vivant tour, précisons. On va les retrouver maintenant Thibaut Geffrotin qui va encore nous parler de, des interviews qu'il a écrites pour les besoins de ce livre Tout Johnny. Alors, toutes ces interviews, laquelle est la plus marquante alors? Bon, voilà, on a parlé de celle de Maxime, alors, je vais parler de celle d'Yvan Kassar. Oui. Là aussi, c'était vraiment quelqu'un que je voulais avoir parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime souvent. Pour le coup, parce que Yvan Kassar, c'est un musicien qui a tellement de projets et qui vit pour sa musique et donc qui passe pas son temps à parler avec des journalistes ou à être sur les plateaux télé. J'avais pas réussi à l'avoir pour mon premier livre, Une étoile dans nos yeux, où il m'avait répondu en me disant qu'il aimait pas trop les interviews, qu'il avait pas le temps, qu'il se consacrait à sa musique et c'était compréhensible. Et là, j'ai réessayé. Et il m'a dit ok, allez, cette fois-ci on le fait, mais alors on prend le temps, on se rencontre et on fait quelque chose de bien. Et donc du coup on s'est vu avec Yvan dans un café. Et effectivement, je crois qu'on avait prévu une interview d'une heure, et puis finalement on est resté ensemble au moins 2h30, où vraiment il m'a tout raconté de son travail avec Johnny depuis le jour où il a été choisi jusqu'au bout en fait. Et ce qui m'a marqué, c'est les difficultés qu'ils ont eues ensemble à travailler au départ. Tellement leurs univers étaient éloignés. Où il me dit, des fois je voyais Johnny, je me disais, il doit se demander qu'est-ce que je peux lui apporter. Bon, je suis pas guitariste, je suis pas un spécialiste de rock'n'roll comme les gens qui travaillent pour lui habituellement. Mais du coup, Yvan Kassar, il est resté dans son idée. Il a pas voulu faire comme les autres. Il a vraiment voulu apporter sa patte, qui est un peu sa patte à Yvan Kassar. C'est un mélange entre le classique et la pop rock en fait. Quoi. C'est un peu des deux. Mm-hmm. Il a vraiment voulu apporter ça à Johnny, et puis comme on le sait tous, puisqu'on a vu le résultat, ça a marché. Johnny a compris ce que ce jeune musicien, parce qu'à l'époque il était jeune, en 98 quand il a commencé à travailler pour lui, pouvait lui apporter, et est née une très grande complicité. Et honnêtement, moi je buvais ses paroles de le voir me raconter tout ça dans la longueur, avec de très belles phrases, me raconter cette grande aventure entre Yvan Kassar et Johnny Hallyday. La confrontation de deux univers, ce que pouvait lui apporter. C'est vrai qu'il était un peu réticent au début, Johnny, de ce que pouvait présenter Yvan Kassar. Puis après, il a tout accepté. Il a vraiment tout accepté, même au point de l'accepter dans son tour de chant, dans le flashback tour. C'est ça, exactement. Ah oui, ça, et ça Yvan me raconte que c'est un de ses plus beaux souvenirs, la semaine notamment à la Cigale, oui. En décembre 2006. Du coup, il était au piano pendant toute cette tournée, mais cette semaine très rock, où il était passionné, il était comme un fou de se dire mais on fait vraiment un sacré concert de rock'n'roll. Il garde de cette tournée vraiment un souvenir assez vibrant. Et c'est vrai qu'après, Johnny a donné sa confiance à Yvan Kassar et il l'a suivi, un peu partout très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Yvan Kassar est toujours resté avec Johnny, mais sans être là tout le temps. C'est-à-dire que parfois les albums étaient faits par d'autres, ça n'empêchait pas Yvan Kassar de rester malgré tout dans le giron, de faire parfois des arrangements pour les parties symphoniques des concerts. Mm-hmm. Je pense que ça a été ça leur intelligence à tous les deux, c'est de travailler ensemble sur la durée, mais pas forcément à chaque album. J'aime beaucoup l'interview de Michel Mallory aussi, où on a vraiment été dans les détails, où je pose des questions sur plein de chansons destinées aux fans, quoi, des chansons qui ne sont pas connues du grand public. Comme Chanson pour Lily, par exemple, où je lui demande d'où vient cette chanson. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve que cet homme est vraiment adorable. Il répond au téléphone systématiquement. Et je l'embête assez souvent. Ça m'arrive souvent de lui téléphoner pour lui poser une question sur telle ou telle chanson. Et on y reviendra peut-être sur le quiz, parce qu'il y a une question sur laquelle il m'a aidé. Et moi, en tout cas, il me répond toujours. Et toujours avec plaisir. Et il parle toujours de Johnny avec plaisir, avec émotion. Donc, je sais pas pour les autres journaliste, mais en tout cas, pour un journaliste fan, et je sais qu'il aime bien Jean-François aussi, il a beaucoup de respect pour le travail de Jean-François, pour les livres qu'il a pu faire auparavant, il est toujours dispo pour nous. Sympa. Et donc... sympa. Et c'est vrai que Michel Mallory, quelqu'un de très sympathique. Et ça, c'est un rêve, comme je te disais, c'est un rêve d'interviewer, d'avoir Michel Mallory pour une émission Johnny de A à Z. Mais ça doit pouvoir se faire. Donc on va voir ça, on va travailler ça. On va t'aider. Ça serait gentil, ça serait très gentil. Ça j'adorerais. On aurait une émission vraiment fabuleuse. Fabuleuse, et je pense qu'auprès une seule ne suffirait pas. Je crois bien. Avec plus de 100 chansons. Hein. C'est ça. Non, il y a tellement de choses à voir avec Michel Mallory. Il y a du genre l'histoire d'une chanson, comment, la façon, qu'est-ce qui a créé cette chanson-là, quel est le moment qui a fait qu'il crée cette chanson-là. Il y a plein de choses aussi. Il a raconté souvent comment la musique que j'aime était née. C'est ça. Ça on connaît, mais évidemment beaucoup d'autres. Mais il y a d'autres anecdotes encore. Les séances en studio, comment ça doit se passer. Il y a plein d'histoires encore. Écoute, de toute façon, le prochain titre qu'on va passer, on va penser à lui, puisque c'est La Prison des Orphelins. Michel Mallory et Johnny Hallyday. Et là, on est dans le Johnny Rebelle. Exactement. Il les connaît par cœur, mais oui. Normal, il fait partie du projet. Ma pauvre terre, tu n'es plus rien que ma misère et mon chagrin. Et l'herbe verte dans le grand champ de ciment et la fontaine. Et la fontaine est asséché, notre plaine éventrée, car ils ont construit une prison de terre. Johnny Hallyday est à l'honneur toujours dans l'émission Johnny de A à Z, évidemment tous les mercredis soirs. Mais ce soir, j'ai Jean-François Chenu qui est avec nous pour nous présenter, pour nous parler du livre Tout Johnny qu'il a écrit, co-écrit avec Bernard Fossé et Thibaut Chefrotin aux éditions Flammarion. Et ce soir, il nous a proposé, Flammarion propose de gagner ce livre-là. Ça y est, on a le gagnant. On a le gagnant. Vas-y Jean-François, tire au sort parmi les petits papiers, parmi toutes les personnes qui m'ont donné la réponse. Il fallait répondre à la question. Maxime Nucci, bien sûr. Et nous avons quelques gagnants. Jean-François nous tire un petit papier. Alors, je le récupère. Et c'est Martine. Martine qui a gagné le livre Tout Johnny. Bravo Martine. Bravo Martine. Tu as gagné le livre Tout Johnny. On va te l'envoyer prochainement. Flammarion te l'enverra prochainement. Absolument. Et donc, il suffit que tu nous donnes adresse. Tu m'envoies tout ça. Adresse, nom, prénom, date de naissance. Numéro de téléphone. Pas besoin. pas besoin. Et puis voilà, on te fera parvenir ceci pour très très très vite. Oh voilà, comme pour ça, les fêtes. Il sera façon, au pied du sapin. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On est dans le volume rebelle. Toujours. Avec, on entend. On va presser. Je me suis lavé les mains dans une salle. C'est avec Pionnier, c'est les deux volumes que je préfère. Toutes les chansons qu'on tournait autour de univers carcéral, univers des paumés, tout ça. Johnny était fantastique. Toi, j'étais même étonné que tu me mettes pas le titre Toi qui t'en vas. Je sais que t'adores ce titre-là. J'adore ce titre, oui, absolument. Mais il a pas eu, si tu veux, moi j'ai dû le mettre. Oui. Quand j'ai fait ma sélection, mais il a pas retenu les faveurs des autres. Mais il y est pourtant, là, il y est, hein, Toi qui t'en vas. Ah, tu veux dire que je mais l'ai ce pas soir, mis ce dans soir. La sélection. Ouais, tu ah bah, parce que tu m'as demandé de choisir 5. Et tu vois un peu, on est même large. Oui, on est beaucoup trop large. Donc, on pourra pas vous diffuser toute la sélection que vous avez prévue pour ce soir. Oui, non, mais Toi qui t'en vas, mais bien sûr, oui, il y est incontournable. Mais voilà, bah non, mais tu m'as demandé 5 titres, donc. On va en passer 2 alors. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas parlé du volume solitaire encore? Non. On va écourter le petit titre. C'est dommage, j'ai lavé mes mains dans une eau sale. C'est dommage, on va l'écourter. On va écouter Thibaut Geffrotin qui va nous parler. Lui aussi, il a une petite actualité. Oui, non seulement avec Johnny Rock'n'Roll Attitudes, hein, je dis the parce que c'est au pluriel. Oui. Non seulement avec le livre Tout Johnny, mais lui aussi, une petite actualité oui, avec le quiz Johnny Hallyday. On écoute ça tout de suite, Thibaut Geffrotin. Justement, transition. On va parler maintenant de ce livre quiz. Le quiz Johnny Hallyday, c'est une idée de mon éditeur, Emmanuel Laureau, qui avait publié le livre de Robin Le Mesurier et ensuite mes deux premiers livres, Une étoile dans nos yeux et Johnny par Jean-Philippe. Et c'est lui qui a eu cette idée de proposer aux fans un jeu. Un livre-jeu, quelque chose de très ludique. Moi, j'ai tout de suite trouvé le projet intéressant et on s'est dit qu'on voulait vraiment faire un truc destiné aux fans. Pas forcément quelque chose de trop grand public avec des questions trop faciles ou que sur la vie privée ou que sur la famille, etc. On voulait vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc évidemment, il y a des questions faciles. Mmh. Mais il y a des questions aussi qui sont plus poussées, de façon à ce que ceux qui connaissent très bien la discographie de Johnny, son parcours et sa vie, bah, puissent un peu aussi être titillés et aller loin dans les retranchements sur le parcours de Johnny. Et voilà, je sais que dans tes auditeurs, il y a des vraies pointures. Et donc, je serais curieux d'avoir leur retour. Si j'achète le quiz et s'ils ont l'occasion d'y jouer, bah de savoir ce qu'ils en ont pensé et puis de connaître leur taux de réponse. Leur taux de réussite. On se croirait au bac. c'est le bac Johnny Hallyday, hein. C'est un peu ça. 500 questions, c'est ça? Alors ouais, il y a un peu plus de 500 questions, donc ça fait à peu près 300 pages. Il y a deux niveaux, niveau 1, niveau 2. Ouais. Il y a 8 rubriques, comme ça chacun s'y retrouve selon ce qu'il préfère. Il y a la discographie, ouais. Il y a les concerts, ouais. Il y a les duos, la vie privée. Il y a Johnny Pilote aussi, donc qui concerne les motos, les voitures. Il y a une rubrique photo, parce que je trouve que c'est important dans un livre d'avoir toujours de belles photos de notre Johnny. Et ensuite, il y a Johnny et le cinéma, bien sûr. Et puis, en dernière rubrique, ça, c'est pour tous ceux qui veulent jouer en famille et qui aiment bien s'amuser en fin de soirée. C'est N'oubliez pas les paroles, où il faut compléter les paroles des chansons. Et donc, les gens chanteront s'ils en ont envie. Il y a une question par rapport, c'est ça que je voyais avec Michel Mallory au téléphone. Ouais. On a fait une question sur la chanson méconnue Boîte à chagrin. Elle est jamais sortie, ça, la Boîte à chagrin. Elle est jamais sortie. Et du coup, je pose la question au lecteur du quiz. C'est la question 57. À quelle occasion la chanson Boîte à chagrin a-t-elle été enregistrée? Ah ben là, toi, je ne sais même pas, là, toi. Si tu veux, tu peux poser cette question en direct à tes auditeurs et celui qui trouve la réponse, eh ben, on lui offre un quiz. Eh ben, la question est lancée, voilà. À quelle occasion a été créée la chanson Boîte à chagrin? Et en réponse dans le quiz, Michel Mallory raconte toute l'histoire de cette chanson. Donc, c'est mon petit indice, c'est que cette chanson a été créée par Michel Mallory. Mais il a été évidemment présent tellement longtemps pour Johnny que ce n'est qu'un petit indice. Voilà. Oui, il était très surpris quand je l'ai interrogé sur cette chanson. Il m'a dit qu'on n'en avait pas parlé depuis des dizaines d'années de cette chanson. Merci Thibaut encore pour la petite interview que tu as pu me donner. Et donc vous pouvez poster. Alors peut-être que je ne vous répondrai pas de suite, mais vous pouvez poser. Allez, je vous laisse jusqu'à 1h du matin, le temps qu'on ferme l'émission et que je rentre chez moi. Jusqu'à 1h du matin, je prends vos réponses pour la question suivante. Pour quelle occasion a été créé le titre Boîte à chagrin, un titre qui n'a jamais vu le jour, qui verra peut-être le jour et un jour. Qui sait? Nous on en a trouvé un qui s'appelait un train. Je sais plus ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, alors c'est sûr la pochette, la jaquette de la bande magnétique, de la bande multipiste. L'enregistrement de Derrière l'amour. Voilà, on a trouvé ça, mais bon, mais qu'est-ce que c'est? Elle a peut-être jamais été chantée. Qu'est-ce que c'est? Pourtant le livre disque est sorti déjà, hein, donc on a bien eu droit. Je suis nu, je suis mort, je suis bien droit. Oui, c'est qu'elle est pas sur les bancs. Non, à mon avis. Ou sinon, elle vaut pas du tout le coup. Pas du tout. C'est peut-être que l'instrumental. On va terminer avec Johnny Solitaire. Le volume est joli, Solitaire. Johnny Solitaire. Solitude, il l'a chanté dans plein de titres. Il a même, chanté deux fois seul. Oui. Avec Obispo. Oui. Et puis après, sur l'album Rester vivre. Donc, c'est un thème récurrent qui revient. Dès le début, parce que l'idole des jeunes, c'est une chanson sur la solitude aussi. Tu crois pas qu'on en a un peu trop parlé, un peu une période, c'était un peu, pour moi, c'était lancinant que Johnny parle toujours de la solitude. Beaucoup d'auteurs. Il l'a chanté. Mais quand il a travaillé avec Berger, il l'a chanté. Oui. Seul mais pas solitaire. Il y a un titre que je trouve formidable, c'est La Solitude de l'album Insolitude. Que j'avais sélectionné. Voilà. Mais il y a aussi eu un album qui s'appelle Solitude à deux. Oui. Donc ça revient tout le temps. C'est permanent. Et tout à fait. Est-ce que c'est une réalité? Mais je crois que c'était un peu trop. Les derniers titres, la dernière fois, c'était un peu trop. Ils ont voulu faire un peu trop du Johnny, justement. Ils ont voulu trop pousser le fait que Johnny est solitaire et tout ça. Et dans les derniers albums. C'est un petit truc qui me dérange un petit peu, qu'on parle un peu trop justement de la solitude. Oui, mais. Et qu'elle en fasse des caisses. Après, c'est mon avis. En tout cas, c'est donné un double album dans ce projet. Exactement. Donc, non, il est très bon. Hein. On va écouter, je crois, deux titres pour. Deux titres pour terminer, oui. Alors, un titre magnifique, et quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, je crois que c'est Xavier, dans l'interview qu'il te donnait. Oui. Un titre qu'il avait découvert et qu'il appréciait beaucoup et qu'on apprécie tous les deux aussi. Exactement. Quand on l'a sélectionné. C'est un titre écrit par Long Cri, s'appelle J'ai crié à la nuit. C'est en 1967. Vraiment une super réussite pour l'époque et tout. La production. Exactement. Est magnifique, le thème est génial. Et puis, on va terminer l'émission avec un titre qui n'est pas très connu, qu'on a mis dans cette sélection. Parce la bande originale du film Titeuf. Titeuf, La route est ta seule amie. Ils sont plus de 50 autour de moi. Je me sens comme perdu dans un désert. Sur leur échiquier, je glisse comme un pion. Alors que je croyais en être le roi. Quand j'ai besoin d'un peu d'amitié, les visages se tournent et s'effacent. Lorsque je réclame un peu de gaieté,

j'étais ta seule. Essentiel, cette émission Johnny de A à Z, avec en présentation le livre Tout Johnny et avec mon invité Jean-François Chenu. Bonsoir tout le monde. Merci Eric de ton invitation et je souhaite à tous les auditeurs de bien terminer l'année, de passer de très bonnes fêtes. Merci Jean-François, puis merci à toi aussi également. Et merci encore d'avoir fait gagner ce livre, Tout Johnny. Et donc ce sera avec vous aurez des heures de lecture. Et puis donc en même temps, vous pourrez couvrir toute la discographie de Johnny également. Et puis aussi, nous avons découvert un peu le projet Universal et Warner. Itinéraire d'une légende. Itinéraire d'une légende avec les 5 thématiques: Johnny, solitaire, pionnier, rebelle, irrésistible, performeur. Je crois que je les ai tous dit. Très bien. Et ainsi que vous avez le best of 20 titres et le best of 40 titres. Et puis il y a encore plein de trucs encore, il y en a plein, il y en a plein encore, il y a de quoi pour Noël. Nous avons aussi le Johnny Rock'n'Roll Attitudes Magazine, le petit magazine qu'on trouve donc dans les magasins de presse. Et puis aussi le livre de Thibaut Geffrotin aussi, qui est Quiz Johnny Hallyday, qu'on retrouve aussi dans les bonnes librairies. Exactement. Merci encore Jean-François. Merci à toi. Et à très bientôt, on se retrouve l'année prochaine pour parler. Il y a encore des choses. Il y aura toujours quelque chose à dire sur Johnny Hallyday. Et ce sera toujours avec grand plaisir. Merci à vous aussi, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté Érigé, la radio Johnny Hallyday. Johnny de A à Z, tous les mercredis de 22h à minuit. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un événement. On va parler des 3 mousquetaires, Abriol, Rouvérolis et Bernard Schmitt. Et aussi avec des extraits de Bercy. Bercy, le coffret Bercy qui va sortir ce vendredi-là, le 2 décembre. À bientôt, tout à tous. Ciao, ciao. Ciao.